vengo la scena. Tu rifais les villes, danse les guerriers sans âme. Tu rifais les villes, danse les guerriers sans âme. Bat pour la vie, bataille pour la Syrie. Donne un spectacle sur les écrans, même le malheur se dessine sur les écrans à la boîte de fil. Même le malheur se dessine à la pointe de fil, à la pointe de fil. Affinent leur tactique, on dessine leur peinture de guerre usée, on dessine leur peinture de guerre effacée. Sans violence.